Chapitre 6e. Sally soulève le voile du passé. Une année presque entière s'était écoulée depuis cette soirée éclairée par la lune d'hiver, pendant laquelle Millicent s'était trouvée face à face avec l'ombre de son mari sur la longue jetée de pierre de Marley. Cette histoire était bien connue dans le tranquille village de Compton des Bruyères, bien que Millicent ne l'eût racontée sous le sceau du secret qu'à Sally. Sally avait essayé de garder ce secret solennel, mais ses réticences avaient été remarquées. En 3 jours, tout le monde à Compton savait que l'hôtesse de l'ours noir avait quelque chose sur le cœur qu'elle pourrait, si elle le voulait, révéler à ses amis. En outre, Millicent n'était pas la seule qui eut fait la funeste rencontre. Pecker lui-même n'avait-il pas la prétention d'avoir vu lui aussi le fantôme du capitaine? « Je l'ai vu, Sarah. Je l'ai vu aussi distinctement que je vois à présent le feu et la broche devant lesquels je suis assis, » répétait sans cesse l'aubergiste. Il était donc naturel que la révélation de ce mystère se fît peu à peu. Lorsque les 3 mois fixés pour le voyage du vautour furent passés, et qu'on ne vit pas revenir le capitaine Duke, les bonnes gens de Compton commencèrent à se regarder avec des grimaces significatives. Personne ne s'attendait à revoir jamais George Duke vivant sur la terre britannique. Millicent n'avait aucune connaissance de ce qui se disait à ce sujet dans la ville de Compton. Enfermée dans son cottage, elle lisait des romans et vivait assise dans son grand fauteuil, avec son épagneul blanc et feu couché à ses pieds, et le médaillon de Darrell suspendu à son cou. La robuste servante sortait de temps en temps dans la soirée pour apprendre les captages de Compton. Mais si, par hasard, elle pensait à les répéter à sa maîtresse, elle sentait les mots s'évanouir sur ses lèvres en regardant la pâle figure de Millicent et ses tristes yeux bleus. « Madame a déjà bien assez de chagrin sans que je lui redise leur bavardage, » disait-elle. Les jours et les nuits s'écoulèrent, l'herbe grandit dans les prés, et les vagues de verdure couvertes de rosée tombèrent sous les coups du faucheur. Les laboureurs recouvrirent de chaume les meules de foin groupées autour de la ferme, le blé grandit, les épis de seigle se dorèrent au soleil, les lourds chariots gémirent sous le riche fardeau de la moisson, les chanvres séchèrent aux bises d'automne, et les haies et les pruneliers devinrent noirs dans les haies, le feuillage des bois se flétrit, les feuilles mortes jonchèrent le sol, la première gelée brilla sur les marais blanchis, le brouillard de novembre enveloppa doucement la vaste campagne. On ne recevait point à Compton de nouvelles du capitaine Duke et du vautour. « Il n'est absent que depuis 10 mois, » disait Millicent, quand Sally lui insinuait qu'il serait peut-être convenable de prendre le deuil. George Duke n'a jamais été un marin fort désireux de revenir près de sa femme. Il lui est plus agréable ou plus profitable de s'absenter. Il ne pense même pas à moi, et rien ne le ramènera ici plus tôt qu'il n'a envie d'y revenir. Serait-il absent depuis 3 ans, que je ne penserai à rien de plus, et que je m'attendrai chaque jour à le voir entrer dans la maison. Celui que vous avez rencontré sur la jetée de Marley, peut-être, mademoiselle Milly, répondait Sally d'un ton solennel, mais non pas le capitaine Duke. Des choses semblables à celles que vous et Samuel avez vues l'hiver passé sont des signes trop clairs, et il me semble que c'est douter de la Providence après cela que de ne pas croire votre mari noyé. J'ai rêvé 3 fois que je voyais mon premier mari, Thomas Masterton, mort sur un petit rocher au milieu d'une mer courroucée. À la 3e fois, j'ai mis mes habits de veuve. Mais tu avais reçu la nouvelle certaine de sa mort, Sally, n'est-ce pas? Je n'avais pas reçu d'autres nouvelles que son absence de 17 années, mademoiselle Milly. Si cela n'est pas assez de nouvelles pour rendre une femme veuve, que vous faut-il donc? Millicent était assise au pied de Sally, devant un brillant en feu de charbon de terre, dans le confortable petit parloir de l'ours noir. C'était une consolation pour la pauvre femme de passer ses longues soirées d'hiver avec la bonne Sally, à écouter le vent qui hurlait dans la grande cheminée, à compter les gouttes de pluie qui frappaient les vitrines, et à parler du temps passé. Les habitués de l'ours noir étaient des gens très réguliers, qui arrivaient et s'en allaient toujours à la même heure, et qui buvaient le même grog depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin, en sorte que Sally, quand sa chère jeune maîtresse venait lui faire une visite, laissait au faible Samuel la tâche de faire accueil à ses pratiques et de les servir. Elle quittait alors les affaires du comptoir pour attirer la tête blonde de la gracieuse Millicent sur ses genoux et caresser les boucles de ses cheveux. Elle consolait de son mieux ce cœur délaissé avec les souvenirs du bon temps. Sarah Masterton avait été pendant longtemps femme de charge au manoir. Cependant, Millicent n'avait jamais entendu parler de Thomas Masterton, le marin. Mais par cette sombre soirée de novembre, ces quelques mots dits par hasard frappèrent Millicent. la jeune femme fut saisie d'une étrange envie de savoir quelques détails sur le premier mari de Sarah. « Était-il bon pour toi, Sally ? » demanda-t-elle. « L'aimais-tu ? » Sally regarda tristement le feu avant de répondre. « Il y a si longtemps de ça, » dit-elle. « Je ne peux guère m'en souvenir. Je n'étais qu'une jeune fille bien niaise. Quand Masterton vint pour la première fois à Compton, je l'aimais bien, Mademoiselle Millie, et il n'était pas bon pour moi. « Pas bon pour toi, Sally ? Affreusement méchant et cruel, » répondit Sally d'une voix étouffée. Et ses yeux s'enflammèrent à ce pénible souvenir. « J'avais un peu d'argent que mon vieux grand-père m'avait laissé. C'était de cet argent et non de moi qu'il avait besoin. J'avais un peu d'argent que mon vieux grand-père m'avait laissé. C'était de cet argent et non de moi qu'il avait besoin. J'avais quelques cuillères d'argent et une théière qui avait appartenu à ma grand-mère, et il les aimait plus que moi. J'avais mes épargnes et il m'arracha de force chaque guinée, chaque couronne, chaque shilling, chaque penny, jusqu'à ce qu'il m'eût laissé sans habit pour me couvrir et sans pain pour manger. Vous me voyez ici avec Samuel. Je fais tout à ma fantaisie et je le mène rondement. À me voir maintenant, vous ne me croirez pas la même femme. J'avais peur de Masterton, Mademoiselle Millicent. Il me faisait peur. » Le souvenir même de son mari mort paraissait encore frappé de crainte à ce robuste cœur. Elle s'accroupit plus près du feu, s'attachant à Millicent comme si elle lui demandait protection à cette délicate créature. Elle regarda vers la fenêtre derrière elle, comme si elle s'attendait à la voir s'ébranler sous quelques secousses bien plus terribles que celles du vent et de la pluie. « Sally, Sally !» s'écria Millicent d'un ton caressant, car c'était maintenant à son tour d'être la consolatrice. « Pourquoi avais-tu peur de lui ?»« Parce qu'il était foncièrement méchant. Je ne vous ai pas encore dit toute la vérité. Je ne l'ai jamais dite à personne, et je ne la dirai jamais à d'autres qu'à vous. J'ai toujours soutenu qu'il était marin. Ce n'est pas vrai. Il était contrebandier, et l'un des plus téméraires qui ait jamais volé le roi. Et c'est ce que j'ai découvert 3 mois après notre mariage. » Millicent l'écoutait, tenant une de ses grosses mains serrées entre les siennes. Ses grands yeux bleus regardaient fixement la flamme brillante. « Ma pauvre et bonne Sally, c'est très pénible pour toi, » dit-elle. « Compton est un endroit si reculé, et nous sommes si ignorants, qu'il n'est pas étonnant que tu aies été trompée. D'autres l'ont été depuis, Sally. » Sally fit un signe de tête. Elle connaissait bien les mauvais bruits qui couraient parmi les habitants de Compton, sur le vaisseau Le Vautour et sur son capitaine. Elle soupira d'un air pensif et elle murmura. « Ah, Mademoiselle Millie, si Masterton n'avait fait que de la contrebande, je l'aurais supporté sans me plaindre, car dans ce temps-là j'étais plus douce que je ne le suis à présent. Nous ne demeurions pas à Compton, mais dans un petit village sur le bord de la mer, ce qui était plus commode pour le vilain métier de mon mari. Nous avions vécu ensemble 5 ans, et moi je n'osais jamais me plaindre d'aucune privation ni de la perversité avec laquelle Thomas fraudait le roi chaque jour de sa vie. Je ne me souciais plus beaucoup de ce qu'il faisait, car j'avais ma consolation et mon bonheur auprès de moi. J'avais mon fils, qui était né 1 an après que nous avions quitté Compton, mon amour de fils avec ses grands yeux noirs et ses jolis cheveux bouclés. Mais une affliction plus amère me visita bientôt, Mademoiselle Millie. L'enfant avait à peine 4 ans que son père se mit en tête de lui donner ses mauvaises habitudes. Il mettait tous ses gros mots dans cette innocente bouche et élevait l'enfant de manière qu'il devint une malédiction pour lui-même et pour tous ceux qu'il aimait. Je ne pus supporter cela. Je ne pus souffrir qu'on me foulât ainsi aux pieds. Et je ne pus permettre qu'on voulût perdre mon enfant sous les yeux de sa mère. Un soir, je le dis à Masterton. Je fus violente peut-être car j'étais presque folle. La colère m'emportait. Je lui dis que j'avais l'intention d'emmener l'enfant avec moi, loin de lui, que je me mettrais en condition, que je travaillerais pour le petit, et que j'en ferais un honnête homme. Il se mit à rire, et me dit que je pouvais bien faire tout ce que je voudrais de ce marmot, et je le crus, car je pensais que vraiment il ne s'en souciait guère. Je m'endormis avec l'enfant dans mes bras, ayant l'intention de partir le lendemain de bonne heure et de retourner à Compton, où j'avais des amis. Oh, Millicent, Millicent! Dieu veuille que vous ne connaissiez jamais de pareilles épreuves. Quand je m'éveillais, mon enfant n'était plus là, et depuis, je n'ai jamais revu ni Masterton ni mon fils. « Et tu es resté dans le village où il t'avait laissé ?» demanda Millicent. J'y suis resté plus 1 an, espérant toujours qu'il reviendrait avec le petit, mais je n'ai jamais eu de leurs nouvelles. Au bout de ce temps, je revins ici, où votre père m'a pris pour sa femme de charge, et où j'ai été plusieurs années très heureuse. Mais je n'ai jamais oublié mon fils, Millicent. Jamais je ne me couche sans le voir dans mes rêves, avec ses beaux yeux noirs fixés sur moi. Oh, Sally, Sally, tu as cruellement souffert. Que de raisons tu as de haïr la mémoire de cet homme. Nous ne devons pas parler mal de ceux qui sont morts, mademoiselle Millie. Qu'ils reposent en paix chargés du poids de leurs péchés. Pour nous, espérons des temps plus heureux. Quand Masterton s'en alla sans me laisser un sou pour acheter du pain, je ne pensais guère alors que je deviendrais un jour la maîtresse de l'ours noir. Pecker a été un bon et fidèle ami pour moi, et je bénis la providence qu'il a envoyée au manoir pour me faire la cour. Il s'asseyait les soirs dans la chambre de la femme de charge, sans parler, et il paraissait toujours triste. Un soir, il tomba à mes genoux en disant « Sally, voulez-vous être ma femme ?» À ce moment-là, même Pecker osa se présenter à la porte pour demander quelque chose. Sa femme lui répondit de la belle manière. Il se retira, tout troublé, le pauvre homme, et sans avoir obtenu la réponse dont il avait besoin. La bonne Sarah croyait de son devoir de cacher scrupuleusement à son faible époux les sentiments de tendresse et de reconnaissance qu'elle nourrissait pour lui. Elle craignait, si elle le traitait avec la bonté la plus ordinaire, qu'il n'en prît avantage sur elle. L'hiver commença donc ainsi, et Millicent aurait été sans amis si elle n'eût près d'elle la bonne Sally et la petite femme du curé, qui devait nourrir et vêtir ses 7 enfants avec la modique somme de 60 livres par an. Millicent était si modeste, elle vivait si retirée, qu'elle n'avait jamais fait de connaissance. Dans le revieux temps, quand elle demeurait au manoir, Darrell avait été son confident, son compagnon de jeu. Elle n'avait jamais eu besoin d'un autre ami, et elle n'en avait pas désiré. Maintenant, elle devait se renfermer dans sa petite maison, avec ses vieux et antiques miroirs et ses tables surannées, avec ses vieux fauteuils en acajou noir, ses chaises de chêne trop lourdes, pour que ses faibles bras puissent les remuer, dans sa petite demeure, toujours propre et tenue avec ordre. Et les gens de Compton ne la voyaient jamais qu'à l'église, ou sur le chemin qui conduisait à l'ours noir. Millicent ne recevait d'ailleurs aucune nouvelle de Darrell. Mais il écrivait une lettre chaque mois à Sarah, qui était bien embarrassée pour lui griffonner sa réponse. Sarah lui apprenait que Millicent était triste, et que le capitaine Duke était toujours en mer. Par Sally, Madame Duke avait eu aussi des nouvelles de son cher cousin. Il avait trouvé des amis à Londres, et un noble lord écossais, qu'on soupçonnait de n'avoir pas un très grand attachement pour la famille de Hanovre, l'avait pris pour secrétaire. Mais assez d'autres lords écossais avaient expié leur loyauté par le supplice, et l'on voyait encore de hideux et terribles avertissements à Temple Bar, de sorte que ce que l'on faisait pour le service de la famille exilée était tenu bien en secret. Les fautes du passé avaient rendu prudents les hommes les plus courageux.